إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ماذا أخذنا في الباب الماضي؟ أي باب؟ نعم، فما مناسبات هذا الباب؟ هو السبب ذكر هذه الترجمة؟ كل ستة سباب. ولو هو أفضل البشر لا يستحق العبادة، أخذنا كذلك الملائكة. نعم، كأمام أبواد الله سبحانه وتعالى دو سبحانه. طيب، اليوم سنأخذ بابين إن شاء الله. كل أبواب التي قصيرة، celles qui sont courtes, inshallah, on les prendra par deux. Il y a des أبواب qui sont سهل, il n'y a pas besoin de beaucoup de كلام. مثلا باب الشفاعة, en soi, on l'a beaucoup répété, en plus, les أدلة cités sont claires. Ce n'est pas des أبواب où il y a besoin de beaucoup de كلام. Alhamdulillah, les أبواب comme ça, on les prendra par deux. Quand il y en aura, inshallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفاعة، كي باب الشفاعة كي تخدي par l'intercession. الشفاعة معناها لغة هي ضد الوتر، يشفع ضد الوتر، يعني سي pair، chose paire. Ou le witr, c'est un paire. Hada le ma'ana l'ouraoui. Ama shara'an faya tawassut lil ghayr bjelb manfa'atin ou daf madarratin. C'est le fait d'intercéder pour quelqu'un pour lui apporter un bien ou lui repousser un mal. Ani kafi l'ouratina, c'est le fait d'intercéder. Alors même, tu intercèdes pour quelqu'un, soit pour l'aider à obtenir un bien, soit il va avoir, mais ça donne des soucis, et tu vas intercéder pour lui tenter de lui repousser le mal. Et à Zalbab, beaucoup de gens se sont égarés dedans. Benaïfrat ou Tafrit. Et le Kol Sawaf, c'est celui des gens du Wasat. Tu as des gens qui ont attribué la Shafa à n'importe qui, à en tomber dans le shirk. Et t'en as d'autres comme les Khawarij qui ont eux renié la Shafa'a Mutlaqan. Qu'il n'y a pas de Shafa'a. Et Sawab, il y a une Shafa'a. Elle est affirmée bil adilla shar'iyya et elle a un tafsil. Et c'est ça le juste milieu, comme on va le prendre maintenant, inshallah ta'ala. Wa qulu Allahu ta'ala. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Donc avertis ceux qui ont peur, qui seront rassemblés vers leur Seigneur et qui n'auront en dehors de lui ni allié ni intercesseur. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا لربهم وهم المسلمون لأن الكفار لا يسمعه ولا يستجيبه. Donc il est c'est-à-dire averti au toi Mohammed par le Coran ceux qui ont peur qui seront rassemblés auprès de leur Seigneur. Et qui sont-ils ces gens-là? Ce sont les musulmans. Car les koufars, eux n'écoutent pas et ne répondent pas à l'appel. Et anzir, l'inzar, c'est quoi? C'est l'annonce avec faire une annonce en faisant peur. Je t'annonce une chose en faisant peur, je t'avertis telle et telle chose. في قوله ليس له من دونه ولي ولا شفيع qui n'ont en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Là c'est à propos de la shafa'a qui est batila, qui est batila, que personne ne peut intercéder pour eux. Il y en a le khulasa, la shafa'a elle est de deux sortes. عندك shafa'a al-manfiya, la shafa'a al-muthbata. La shafa'a manfiya, celle que Allah a renié et a démenti. celle que les mouchrikoun veulent affirmer. Et la mouthbata est celle qui a lieu, et elle a lieu avec deux shurut, deux conditions. Tout l'adila tourne autour de ça. Pour joindre, parce que des gens disent qu'il y a des adila où Allah dit qu'il n'y a pas de shafa'a. Et d'autres qui disent, il y a shafa'a. On dit comment on joue entre les deux qawls. La mouthbata, celle que Allah s'est a affirmée, elle est basée sur deux conditions. Un, qu'elle ait lieu après son izn. Après sa permission, comme les adilés vont arriver, inshallah. C'est-à-dire que personne ne peut intercéder, si ce n'est après que Allah l'ait autorisé. Donc ça revient à lui, à personne d'autre. Ni au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ni au Malaïka, ni au Salihin, ni à personne. Et deuxième condition, que Allah agrée le Shafi ou le Mashfour, là. Qu'il agrée celui qui intercède, et celui pour qui on intercède, et cela, wa khas bi ahl al-tawhid. C'est juste pour les mu'minin, c'est juste pour les croyants, les gens de tawhid. Voilà comment on lit entre les aqwal dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas de shafa'a ou ceux qui disent qu'il y a shafa'a. Wa qulu ta'ala qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Dit c'est Allah que revient toute la shafa'a, toute l'intercession. C'est-à-dire que cette shafa'a n'est que pour Allah seul. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé le fait d'attribuer la shafa'a à autre que lui. Minhum min al-mushrikin alladhina yad'una shafa'ata li-asnamihim wa ahjarihim wa ghayriha min al-ma'budat. Fanafa Allahu ta'ala dhalika kama qala 'azza wa jalla fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Wa qawluhu ta'ala ma liz-zalimin min hamimin wa la shafi'in yuta'. Donc Allah a blâmé cette shafa'a que certains ont attribué aux mushrikin. Ceux qui prétendent que leur asnam et que les pierres ou autres, parmi les choses qu'ils adorent, peuvent intercéder pour eux. Donc Allah a renié cela dans sa parole, lui disant le sens que la shafa'a des intercesseurs ne leur servira à rien. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de shafa'a. Ou bien alors ceux qui ont une shafa'a, masalan, mais eux ne la méritent pas. Alors ça ne servira à rien. Et il dit dans le sens et que les injustes n'auront pas d'amis ni d'intercesseurs à qui on obéit. Et quand il parle des Zalimin, il parle de qui? Kuffar, Zoum Akbar. Donc cette shafa'a, comme on le répète, ne revient que à Allah spontané seul. Des gens, il y a des gens à qui Allah spontané a autorisé d'intercéder. Quand même. Comme cela va être cité. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه qui donc intercède auprès de lui si ce n'est avec sa permission. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى. Et combien d'anges dans les cieux dont la shafa'a ne sert à rien à part pour qui Allah l'aura autorisé, pour qui il veut et pour qui il agrée. وقل الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعته عنده الا من اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الايه التي اخذنا امس. Donc il dit, invoquez donc ce que vous prétendez en dehors d'Allah. Il ne possède même pas un grain de maïs dans les cieux, ni sur terre, et qui n'ont aucune part dans, yani, ne sont pas des associés, et que l'intercession auprès de lui ne sert à rien, hormis pour qui l'aura autorisé. Juste à ce que la peur sorte de leur cœur, et qu'ils disent, c'est-à-dire les malas, ikia comme on a prière, qu'a dit votre Seigneur, il dit le haq, la vérité, et il est le haut et le grand. Donc tous ces versets, pour bayen lana, anna hadi shafa'a, la ta'asul il est ba'd al-izn. Cette shafa'a auprès des anbiya, qui eux à la base pourront intercéder au qiyama, auprès des malaïka, qui qui eux pourront intercéder au jour de la Qiyama, auprès des Salihin qui eux pourront intercéder au jour de la Qiyama, ne sera rien si ce n'est après l'izn. Et également ne sert à rien si elle venait à être tournée vers qui ne la mérite pas, parmi les koufars. Également les atfal, les enfants intercéderont pour leurs parents, parmi les muslimines. Les shuhada également, les martyrs intercéderont. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظن المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع كما جاء في الحديث متفق عليه عن أنس قال ولي على partie de du col de Abu al-Abbas. من Abu al-Abbas? Là, c'est pas lui. Abu al-Abbas, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est sa kunya. Ismu Ahmed ibn Abdel Salam ibn Abdel Halim. C'est lui. Ce qu'elle aime là, il est pris de Majmou al-Fatawa. Il dit que Allah a renié tout ce à quoi s'accrochent les mouchtikoun en dehors de lui. Il a renié le fait qu'il y ait pour autre que lui un royaume ou une partie du royaume. On a dit c'est quoi le royaume ? Le royaume absolu. Il y a des gens qui ont du royaume. Des rois ont du royaume. Mais c'est un royaume qui est relatif. Et que Allah, personne ne lui accorde d'aide, ne lui apporte d'aide. Et qu'il ne restera que la shafa'a par la suite. Et que cette shafa'a ne servira qu'à celui à qui il l'a autorisé. Comme il dit dans le sens qu'il ne intercède que pour celui qui l'a agréé. C'est-à-dire les malaïka. Donc cette shafa'a que les mouchlikoun pensent, s'imaginent être pour eux, leur sera refusée au jour de la Qiyama, comme l'a démontré le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il viendra et se prosternera pour son Seigneur, qu'il fera ses louanges et qu'il ne commencera pas par la shafa'a en premier lieu. Il commencera d'abord par sujoud et tahmid, des kalimats que Allah subhanahu wa ta'ala lui apprendra qu'il n'a pris à personne d'autre avant lui, comme cela est dans le hadith de Ibn Abbas ou de Anas Afwan. Et après il lui sera dit lève ta tête, c'est-à-dire Mohammed, parle, tu seras écouté, demande, il te sera accordé, et intercède, toi-même, cela te sera accordé. Wa qala lahu Abu Hurayra, c'est toujours le calibre de Cheikh al-Islam, من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله لا يكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود والشفاعة التي نفاها القرآن كما كان فيها الشرك نفى القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت شفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه. Donc également que Abu Huraira, comme cela fut rapporté dans le hadith de Bukhari, qu'il a dit qu'il sera le plus heureux des hommes par ta shafa'a. Au messager d'Allah, il dit celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement dans son cœur. Donc voici la shafa'a qui est que pour les gens de l'ikhlas, de la sincérité, avec l'autorisation d'Allah. Et elle ne sera pas pour ceux qui auront associé à Allah. Abadan. Et sa réalité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce aux gens de l'ikhlas. Il leur pardonnera par l'intercession des du'a de ceux qui l'ont autorisé d'intercéder. Pour honorer cet intercesseur. Et pour qu'il obtienne le maqam al-mahmoud. On va expliquer ce qu'est le maqam al-mahmoud. Donc la shafa'a que le Coran a renié, et celle qui contient du shirk. Et celle qui a été affirmée, et celle qui a lieu avec sa permission à certains endroits du Coran, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré dans les hadiths qu'elle n'est pour que les gens du tawhid et de l'ikhlas. Fin de son kalam. Donc ça résume tout. Quand même, kalam du Cheikh Al-Islam résume tout ce qu'on a depuis le début. Et son call de Al-Maqam Al-Mahmoud, c'est une chose qui est affirmée pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La chose par laquelle il a été élevé au-dessus des autres. Comme quand Allah azawajal, Asan yab'athaka rabbuka maqam al-mahmouda. Ton Seigneur te ressuscitera sur le maqam al-mahmoud. Donc c'est quoi? C'est al-shafa'a al-uzma. C'est la plus grande shafa'a. Allah sahih. C'est la shafa'a al-uzma. Celle qui a lieu à la fin. Lorsque tous les gens viendront pour demander aux anbiya d'intercéder pour eux. Donc cette shafa'a, c'est la uzma. Et certains mufassirin, comme Mujahid, ont dit que la shafa'a, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fera asseoir son prophète à sa droite sur son cours, sur son arche. Et ce qu'Allah a été rejeté. In thabata anhu zalik. Ce qu'Allah a été rejeté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit qu'il a 6 shafa'a. Comme a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Awalan al-kubra. C'est celle qu'on vient de citer à l'instant. Thania, Dukhul al-Jannah. Qui fait une shafa'a pour que les gens de Jannah rentrent au Jannah. Thalitha, Adam, Dukhul al-Nas, liman yastahik min al-Usa, min al-Muwahidin. Que des gens, qu'il intercédera pour que des gens ne rentrent pas au feu parmi les désobéissants de sa communauté. Parmi des gens qui, à la base, méritent le feu. Et Cheikh Ibn Hizam, il dit que cette shafa'a n'a pas de dalil qu'il affirme. Il y a deux hadiths qui sont venus et les deux, Fihima Kalam. Rabiha, Khuruj Alil Tawhid Nenar, le fait de sortir les gens du Tawhid du feu. La cinquième, Ziyarat Thawab, Ba'd Alil Jannah, que les gens du Jannah auront plus de récompenses. Ils seront élevés plus en degré. Des gens qui seront dans un daraja dans le Jannah, ils feront une shafa'a pour qu'ils soient élevés en daraja. Ou le sadisa wa tarfif li Abi Talib. Tarfif al-azab li Abi Talib. Ils sont azab, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yujhal au tat kadomay jubratayn min al-nar. Que dans ses pieds on mettra des fournaises qui feront bouillir son cerveau. هذا هو ادنى للنار عذابا. Celui qui aura le châtiment le plus bas des gens du feu. Mais pour lui, cet homme-là pensera qu'il aura le pire des châtiments. Et c'est Abu Talib. Et là, on parle des kuffar, bien évidemment. Amal les muwahidoun qui seront au nar, les muslimoun, eux, leur châtiment n'est pas comme celui des kuffar. Ibn Khuz Masail al-Bab, قال الأولى تفسير الآيات. Explication de tous ces versets par rapport à la shafa'a. الثانية صفة الشفاعة المنفية. Comment est la shafa'a qui était reniée, qui était refusée. Thalitha صفة الشفاعة المثبتة. Caractéristique de la shafa'a qui est acceptée, qui est affirmée. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. Qui est cité la shafa'a qui est la plus grande, majeure, qui est المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. يعني qu'il était décrit qu'est-ce que fera le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'il ne commence pas par la شفاعة mais d'abord il se prosterne avant le tahmid et ensuite il sera autorisé d'intercéder. السادسة من أسعد الناس بها, qui est le plus heureux des gens par cette شفاعة. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. Il n'y a pas de shafa'a pour ceux qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. الثامنة بيان حقيقتها. Et qui sera démontré la réalité de cette shafa'a. Et ça c'est un bab parmi les abwab dans lesquels les gens justement ont fait beaucoup de shirk auprès de leur asnam, c'est pour avoir la shafa'a. Manabuduhum ila yukarribuna ila Allah zulfa. Nous ne faisons que les adorer que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est-à-dire qu'ils veulent obtenir une chose en faisant ce qui est interdit, ce qui fait que cette chose-là leur sera interdite. À l'exemple de quelqu'un qui dit « Je veux être lucide, donc je bois de l'alcool pour avoir toute ma tête. » C'est tout le contraire, justement. Je sais pas, ils font du shirk pour avoir une chose qui n'est accordée qu'au muwahhidin. C'est une chose qui est complètement absurde. Wali'a'adhu billah. Donc là, c'était « Bab al-Shafa'a ». ثم نخوض الباب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى انك لتهدي من احببت qui est Allah dans le sens où il dit tu ne guides pas certes tu ne guides pas qui tu aimes فهذا الباب اللي لي على guider الهدايه et comme ذكر الشيخ ابن عثيمين Le rapport de ce bab qui vient après le précédent, c'est que la shafa'a, qui est la dernière étape pour entrer au Jannah, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut l'accorder. Donc il en est de même pour Al-Hidayah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut accorder la shafa'a si ce n'est après que Allah l'ait autorisé. Donc il en est de même pour Al-Hidayah. Que la vraie Hidayah revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède de rien. Du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala hormis ce que Allah lui a accordé et ça répète ce qu'on a dit les abois précédents si lui ne peut le faire qui donc pourra le faire personne ne pourra le faire donc il n'y a pas lieu d'aller les adorer d'aller les invoquer ou de faire des actes s'il n'en revient que Allah subhanahu wa ta'ala tomber dans le shirk et à leur tête de ces créatures les anbiya et ce verset est descendu sur Abi Talib comme cela va arriver dans le hadith اولا انك لا تهدي من احببت هذا على قولين مما ذكر من احببت celui que tu aimes vu que c'est Abu Talib on dira comment se fait-il que Abu Talib ait de l'amour pour lui alors que c'est un mushrik on répond cela de deux façons comme zakaro Cheikh Othaymin première on a dit au début de différentes catégories il y a celle qui est tabi'iyya, naturelle pour les proches et cette mahabba que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait pour Abu Talib mahabba tabi'iyya un amour naturel car c'était son oncle il l'a protégé il l'a entouré il l'a secouru il lui a porté beaucoup d'aide de son vivant car Abu Talib c'est quelqu'un qui avait un grand poids chez Quraysh ça c'est d'une part d'autre part إنك لا تهدي من أحببت هدايته يعني tu ne guides pas celui pour qui tu auras aimé la guider celui pour qui tu auras aimé la guider quand bien même il serait من أحبث الناس parmi les gens les plus mauvais qu'il y ait mais toi tu souhaites sa guider car tu lui veux du bien c'est quelqu'un il se peut que tu ne l'aimes pas mais tu veux que tu sois guidé رحمةً له par miséricorde pour lui Là, c'est parmi les expressions qui ont été faites. Que tu ne guides pas ceux dont tu aurais aimé la guider. Et nous, à la base, on veut la guider des koufars. On la veut pour eux. On aimerait, nous, à la base, si cela nous revenait à nous, de pouvoir guider tout le monde. Pour qu'il n'y ait sur terre qu'il n'y ait qu'une tawhid. Ça ne revient pas à nous, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une hikmah que Allah fait qu'il y a des gens. On va dire même la plupart des gens ne croient pas et ne veulent pas. بعد هذا قال وفي الصحيح عن ابن مسيب عن أبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنها عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول الصحيح هذا الحديث متفق عليه. سلو ابن مسيب selon son père, qu'il ait dit que lorsque la mort est venue à Abu Talib, c'est-à-dire les affres de la mort, qu'elle n'était pas encore dans Al-Gharghara, car dans Al-Gharghara, il n'y a plus de Tawba. Celui qui a l'agonie, qui va sur le point de mourir, il n'y a plus de Tawba pour lui. Là, dans le sens qu'il était sur son lit de mort, dans le sens que une maladie et les affres de la mort avaient commencé à apparaître. Mais ce n'est pas Al-Gharghara. Dans Al-Gharghara, il n'y a plus de Tawba, c'est fini. Voilà, l'agonie, tu sais que tu vas mourir à quelques secondes, t'as l'agonie, à ce moment-là, il n'y a plus de tawbah, c'est fini, comme a déjà fait le hadith. Anna Allah yakbal tawbah ta'abdi ma lam yughalghir. Que Allah accepte la tawbah de son serviteur, tant qu'il n'est pas l'agonie de la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès de lui, Abu Talib. Il y trouvait qui? Abdullah ibn Abi Umayyah et Abu Jahl. Et qu'il ait dit: « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je pourrais argumenter pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et les deux autres lui ont dit: « Vas-tu donc délaisser la religion de Abdul Muttalib ?» Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam insista, répéta la parole. Et eux, kazalik, répétèrent la parole. Et fut la dernière parole de Abu Talib, c'est qu'il est sur la religion de Abdul Muttalib. Et il a refusé de dire la ilaha illallah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: je demanderai pour toi pardon, tant qu'on ne me l'interdira pas. Donc Allah fait descendre dans le sens où il dit qu'il ne revient pas aux messagers ni à ceux qui ont cru de demander le pardon pour les mouchriquins. Wa lokanu li kurba. Comme si c'était les gens les plus proches. Et que Allah fait descendre sur Abu Talib par la suite dans le sens où il dit: certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Naam. Là, il faut savoir une chose, c'est que Abdullah ibn Abi Umayyah, lui, s'est soumis par la suite. Mais Abu Jahl, il est mort sur le shirk. Il était parmi les plus grands ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abdullah ibn Abi Umayyah, lui, s'est soumis à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu faire da'wah à son oncle avant de mourir, par espoir qu'il se soumette et qu'il rentre en islam. Chose qu'il refusa. Et ce hadith est une hujja, un dalil qui réfute ceux qui prétendent que Abu Talib serait mort muslim. On dit là. Donc le Nabi sallam a voulu qu'il dise la ilallah afin de pouvoir témoigner de cette kalimette auprès d'Allah yawm al-qiyamah, qui soit parmi les gens de Jannah. Donc Abu Talib a refusé. Et il restait sur la religion de Abdul Muttalib, qui était l'adoration des Awsan et des Asnam. Et là, que Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'Abu Talib allait mourir sur le Kufr. Donc il n'a pas été guidé. Car la hidayah, comme a dit dans Qul Allahu Azza wa Jal, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un chemin droit. Comment on lit entre ce verset et ce bab? C'est tout simplement que la hidayah, elle est de deux sortes. T'as celle qui est irshad wa dalala, c'est celle qui est le fait d'indiquer aux gens et de leur démontrer la hidayah. Cela revient aux anbiya, aux ulama et aux du'at et aux gens qui font da'wah. Ça explique ce verset. Il y a celle qui est tawfiq, hidayat al-tawfiq wa lilham. Cela ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala, qui met la hidayah dans le cœur des gens, qu'ils acceptent la vérité. Ça revient à Allah seulement, à personne d'autre. Nous, même les créatures, on va dire les hommes, les musulmans, on indique aux gens. L'islam, c'est telle vraie religion, c'est le haq. Adorer Allah, n'associe rien, et kaza et kaza. On indique aux gens. Celui qui accepte, alhamdoulilah. Celui qui refuse, c'est que Allah n'a pas voulu qu'il soit guidé. Ça revient au hadith qu'on avait pris dans la question de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a dit an yahdi Allah ala yadi ka rajulan wahidan khayrun laka min ni'am al-humr, que Allah guide une seule personne par ta cause. Car en réalité, c'est quoi? Hidayat et Tawfiq. C'est Allah qui guide en réalité. Toi, tu es juste, comme on dirait, un indicateur. Un indicateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé Hidayat et Tawfiq li Abi Talib. Là, wa mata ala millat Abdul Muttalib. Il est mort sur le kouf. Mais il aura droit, comme on l'a expliqué dans le précédent, à la Shafa'a, il aura un tarfif. Son châtiment lui sera amoindri. Pour tout ce qu'il a fait comme bien. Et la chose qu'il y a, c'est qu'Abu Talib a reconnu l'islam comme étant la vérité. Il y a eu un tasdiq. Il l'a cru son neveu. Mais il n'y a pas eu quoi? Ikrar. Il n'y a pas eu de taslim. Il ne s'est pas soumis, il n'a pas agi. Mais au fond de lui, c'est vrai que c'était la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait refuser cela? C'est le fait que s'il l'aurait fait, il aurait été critiqué par son peuple. Il ne voulait pas cela. C'est le cas de beaucoup de gens qui refusent la vérité dans beaucoup de situations. Ils la reconnaissent, ils la voient, mais par peur d'être critiqués, d'être délaissés et de perdre leur rang, ils ne l'acceptent pas et ne la prononcent pas. Saoun kana hadha fi umur at-tawhid ou umur ad-da'wa kadhalik. En toute situation où il y a un haq et il y a un batil, beaucoup de gens connaissent la vérité, mais la délaissent par peur de perdre leurs avantages. Beaucoup de gens n'ont pas en islam par peur de perdre leurs avantages. Beaucoup de gens tombent dans le péché par peur de perdre leurs avantages. Beaucoup de gens défendent le batil, même parmi les gens qui s'apparentent à la vérité, par peur de perdre leurs avantages. Ils s'imaginent être des avantages et en réalité sont des inconvénients pour eux, mais après, il هذا نخوض مسائل هذا الباب قال فيه مسائل الأولى تفسير قل لله عز وجل إنك لتهدي من أحببته التفسير du verset الرسول صلى الله عليه وسلم certes tu ne guides pas qui tu aimes. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي il ne vient pas au prophète de demander pardon. Il n'y a pas d'istighfar pour les kuffars. Il n'y a pas. Celui qui est mort sur le shirk, il n'y a pas d'istighfar pour lui. Abadan. Al-Thalitha, voyez le mas'alatul kabira. Tafsir qu'olihi, qu'ul la ilaha illallah, bi khilaf ma'alihi man yadda'i al-ilm. Et il dit dans cette mas'ala, troisième, qui est une grande mas'ala, l'explication de la ilaha illallah. Dit la ilaha illallah. Contrairement à ce que prétendent beaucoup de gens qui prétendent la science. C'est-à-dire que Abu Talib savait le sens de la ilaha illallah. Parce qu'il aurait pu le dire, faire plaisir à son neveu. Si tu veux, je le dis. Mais il ne l'a pas dit, même prononcé, il n'a pas voulu le faire. Car il sait ce que ça veut dire. Et eux, en prononçant, ça inclut l'ikhlas. Il ne veut pas. Notamment à des gens qui disent la ilaha illallah et qui n'ont pas d'ikhlas. Et ça rôde aux gens qui disent qu'on peut dire la ilaha illallah sans y croire. C'est un rôde sur eux. Rabi'a, anna Aba Jahl. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. Donc Abu Jahl et ceux qui étaient avec lui savaient ce que voulait le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il disait aux gens de dire la ilaha illallah. Ça revient à la masala précédente. Donc que Allah en les dise ceux qui sont plus ignorants que Abu Jahl de la base de l'islam. Il a fait un doa contre eux. Des gens qui s'apparentent à l'islam et qui sont plus ignorants que Abu Jahl du sens de la ilaha illallah. Et ça, on le voit aujourd'hui beaucoup parmi les gens de l'islam qui sont plus ignorants que certains koufars. Certains koufars ont plus de ilm de l'islam que des gens qui s'y apparentent. Qui veulent changer l'islam, faire croire que l'islam c'est comme ceci, l'islam c'est comme cela, et les koufars disent non, non, non. Non, c'est quoi l'islam? Et si on laisse l'islam s'agrandir, vous finirez comme ces barbus en kamis. Car c'est eux qui ont la vérité, on le sait que c'est ça l'islam. Mais des gens veulent te faire croire le contraire. On fait le même dua que Allah les en les dit, ces gens-là. Al-Khamisa, jidduhu sallallahu alayhi wa sallam, wa mubalaghatuhu fi islam ammihi. Comme il était sérieux, et comme il a mis, yani, il a insisté dans l'islam de son oncle. Al-Sadisa, arad ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Ou plutôt qu'il voulait dire Abu Talib, qui a réfutation pour ceux qui ont prétendu que Abdul Muttalib et ses salafs, ces gens qui étaient antérieurs, étaient dans l'islam. Je ne sais pas si ça veut dire Abu Talib ou Abdul Muttalib. Sabi'a, kounuhu sallallahu alayhi wa sallam, istaghfara lahu, falam yughfara lahu. Bel nuhiya an dhalika. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pardon pour lui, qu'il ne lui fut pas pardonné, et voire même qu'il lui fut interdit de demander pardon. Athamina, mudarat ashab al-su' al-insan. Qui a les conséquences des mauvaises fréquentations. Car Abu Talib, parmi les causes qui lui ont empêché d'entrer en islam, ces fréquentations qui sont autour de lui, qui ont lui dit, ne dis pas cela, vas-tu abandonner la religion de Abdul Muttalib? Et lui, comme il est resté avec eux, au dernier moment, ils ont été la cause de sa perte, à ce moment-là. Bien que l'un d'entre eux s'est soumis par la suite. Et t'as des gens, des fois, ils ont ça, ils ont le haq, mais à cause de leur entourage, ils veulent pas, ils ont peur. Les gens, ils voient la vérité sur des masaïl. Les gens leur disent, non, si jamais tu dis ça, il va t'arriver telle et telle chose, on va te faire le hajj, on va te faire ceci, on va te faire cela, il le menace. Et donc, il a peur. Et il reste sur le faux. Car il fréquente des mauvaises personnes. Donc, attention, iyaka, moi je lève ça, assou. Prends garde aux mauvaises fréquentations. At-tasi'a, madaratu ta'zim al-aslaf wal-akabir. Les préjudices qu'ils peuvent poser peuvent causer le fait de magnifier les antécédents, les gens antérieurs, parmi les grands. Mais les grands, vous êtes des gens, pas vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui vont dire, moi mon père c'était Kaza, moi mon grand-père c'était Kaza, alors que c'était sur le bâtil. Il n'y a pas à les glorifier. Il n'y a pas le dette. Al-Ashira, Al-Shubuhati, Lil-Mubtilina, Fidhalika, Listidlel, Abidjel, Bidhalika. L'ambiguïté des gens du faux en cela. C'est-à-dire en disant, vas-tu laisser telle chose? Vas-tu laisser telle chose? Al-Hadiata Ashar, Al-Shahid, Likoni, Al-Armel, Bil-Khawatim, Liennahu, Law Kalaha, La Nafaratu. Le fait que les œuvres sont basées sur leur fin. Car s'il l'avait dit, elle aurait été profitable. Il l'avait dit, bien évidemment, avec sincérité. Ça veut dire celui qui a fait toute sa vie du kufr. Avant de mourir, il dit « La ilaha illallah » sincèrement, sa mort sera basée sur ce « La ilaha illallah », pas sur le reste. Et le contraire également, celui qui aura fait de l'islam toute sa vie, des « Amal saliha » avant de mourir, et dit « Kalimat al-kufr », alors lui, sa fin sera comptée sur ce « Kalimat al-kufr » et tout le reste sera effacé. « Wa li'azu billah » « Al-thani ta'ashar, al-ta'ammul fi kibr » ou « kibr » هذه الشبهات في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره ولأجل عظمتها ووضوحها وعندهم اقتصروا عليها. Donc médite justement sur la façon dont justement les gens du faux ont glorifié cette kalima, c'est-à-dire le fait de délaisser ce sur quoi étaient les anciens, comme cela s'accroche dans les cœurs, car eux non polémique qu'avec cela. Quand même, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et a répété, mais du fait que cette chose-là est trop grande pour eux, délaisser ce qu'ont été leurs parents et les anciens, ils sont contentés de vouloir réfuter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour cette parole-là. Ils n'ont pas dit, mais ce qu'il dit, c'est faux. Ils ont juste dit, vas-tu laisser la religion de tes parents? Et ça, c'est fréquent aujourd'hui, quand des gens veulent se soumettre à Allah, de leur dire, comment, tu veux laisser le christianisme? Ou tu veux laisser le judaïsme? C'est la religion de ton père, de ton grand-père, de Foulen, tu vas laisser cette religion-là pour celle-ci. Ou des gens, ils sont avec leurs amis, ils disent, tu vas laisser telle et telle chose qu'on veut ensemble pour entrer en islam. Tu vas abandonner tel projet qu'on avait ensemble, telle chose qu'on a fait depuis qu'on est petit, on traîne ensemble, toi et moi, pour l'islam. Et après, celui qui est faible, qui n'est pas muwafaq, il craque, il reste avec eux. Et celui qui a Allah waffaq, il dit, j'en ai rien à faire. Et il délaisse et il rentre en islam. Fadlillahi ta'ala. C'est le bab qu'on a pris aujourd'hui, en dernier, qui était le bab de l'hidayah, que c'est seul Allah qui guide, hidayat al-tawfiq, ama hidayat al-dalala wal-irshad, ça elle revient à la créature, comme c'est le rôle des anbiya à la base, des rusul, et des ulama, des du'at, et des zalika. Walhamdulillah rabbil alameen.